Ah ouais, des très très hauts, des bois, des ampoules, intelligence. Des écouteurs. Ah ouais. Mais du coup, t'as pas été voir, ça avait. Mais non. Mais ça a été la même chose, il avait pris, il avait envoyé l'entrée à la. Et moi, j'ai bien fait mon tour. Ça s'en fait une chinoise, il faut juste. Ils ont un peu sur un autre truc. Bonjour, ce train a pour destination les Irignons. Il desservira toutes les gares de Paris-Montparnasse à Plaisir-Grignon.